L'homme vit énormément au niveau de sa conscience astrale pour deux raisons. Parce qu'il ne vit pas énormément au niveau de sa conscience éthérique. L'homme vit énormément au niveau de sa conscience émotive pour deux raisons. Parce qu'il n'a pas conscience de son esprit. Il a simplement conscience de quelque chose en lui qui fonctionne, qui est. L'homme a conscience de quelque chose en lui qui est, mais il n'a pas conscience de que son esprit. Et l'homme un jour doit avoir conscience de son esprit. Autrement dit, l'homme un jour doit dépasser le stage d'être, le stage d'être-té. Parce que le stage d'être-té, c'est la condition permanente du périsprit dans l'homme. C'est la condition permanente du périsprit en l'homme qui lui donne l'impression d'être qualifié, cet être-té, et soit heureuse ou malheureuse, bien ou pas bien. Mais l'esprit n'est ni bien ni pas bien. Il est au-dessus de l'être-té. C'est la conscience éthérique de l'homme. Ce qui nous donne à nous les hommes la valeur de vie matérielle, c'est que nous avons accès à une certaine être-té. Cette être-té est soit bonne ou mauvaise, autrement dit, soit heureuse ou malheureuse. Autrement dit, elle nous fait plaisir ou non. Autrement dit, elle nous amène à nous dire, bon, mais la vie est belle, ou la vie est pas belle. Ou je me sens bien aujourd'hui, mais je me sens mieux qu'hier. Mais ceci est une condition planétaire de l'astral. Ceci fait partie de la conscience animale de l'homme. La conscience supérieure de l'homme n'est pas tachée, n'est pas entachée de ses conceptions astralisées par l'émotivité ou son attitude mentale. L'homme conscient, l'homme supramental, l'homme qui va vers la fusion, l'homme fusionné, l'homme qui appartient à une autre dimension, autrement dit, l'homme qui n'appartient ni à la mort, ni à la vie planétaire, ne peut pas avoir conscience d'une être-té parce que l'être-té pour lui est étrange. Et elle est étrange, l'être-té, parce que l'être-té n'est pas réel. L'homme ne devient réel que lorsque l'être-té en lui a totalement été dissoute. C'est à ce moment-là que l'homme réel. C'est à ce moment-là que l'homme prend conscience de sa réalité. C'est à ce moment-là que l'homme prend conscience de la mémoire de son corps matériel dans l'éther. C'est à ce moment-là que l'homme est dans l'éthérique. Et s'il est dans l'éthérique, dans son esprit, et a le pouvoir d'utiliser son corps matériel au niveau de mémoire dans l'éthérique, il peut très facilement continuer sur le plan matériel son activité sans être alourdi dans son esprit par l'étrange nuance de sa psychologie humaine planétaire, qualifiée de bonne ou de mauvaise, que nous appelons philosophiquement l'être-té de l'homme. C'est ce que j'appelle le vide. Mais le vide plein, c'est-à-dire la conscience totale que nous ne sommes pas sur le plan matériel, que nous sommes sur le plan éthérique. Mais l'homme ne peut pas réaliser qu'il est dans l'éther et qu'il est dans la matière à la fois, parce qu'il n'a pas la mémoire de son corps matériel dans l'éther. Alors, pour qu'il y ait la mémoire de son corps matériel dans l'éther, il doit muter, c'est-à-dire que son intellect, son émotionnel, ses principes inférieurs doivent être agressés. Et ils sont agressés par quoi? Ils sont agressés par l'énergie. L'énergie agresse parce qu'elle est haute en vibration. Étant agressive, elle crée des chocs vibratoires qui sont l'expression de son agression contre des corps subtils qui doivent être allumés par elle, c'est-à-dire élevés en énergie, en vibration, en fréquence, pour que l'homme puisse prendre conscience de lui-même dans une dimension qui est en dehors de la mort et en dehors de la vie planétaire. Il y a toujours dans l'homme un peu de souvenir de lui-même. Il y a toujours dans l'homme un peu de souvenir de lui-même. Et le souvenir de lui-même est la mesure de sa psychologie. Parce que le souvenir de l'homme est la mesure de sa psychologie. Plus l'homme a de souvenirs de lui-même, plus sa psychologie elle est grande. Moins il a de souvenirs de lui-même, plus sa psychologie est restreinte. Quand il n'a plus mesure, quand il n'a plus souvenir de lui-même, il n'a plus de psychologie. Quand il n'a plus de psychologie, il n'a plus d'être-té. Quand il n'a plus d'être-té, la conscience éthérique. Et si la conscience éthérique, il n'est plus planétaire. Il peut être sur le plan matériel, mais il n'est plus planétaire. Il est libre. Il est dans la société anonyme. Le déchirement que doit vivre l'homme dans sa personnalité, ce déchirement, il est aussi important à l'homme que sa conscience totale. Peut l'être à l'évolution de l'homme. Le déchirement personnel d'un individu est aussi important à l'individu qu'il peut l'être à l'évolution de l'humanité. Nous avons l'impression, nous autres les hommes, tant que nous sommes dans notre être-té, que notre conscience, qui est l'expression de l'être-té, est une conscience qui, spirituellement parlant ou idéalement parlant, se rencontre à l'infini sur des plans universels. Mais ceci est faux. Ceci n'est réel que dans la mesure où nous sommes capables de perdre cet être-té, autrement dit, cet étrange sentiment qui fait ou qui donne à l'homme l'impression d'avoir une valeur personnelle. L'homme ne peut pas avoir de valeur personnelle tant qu'il n'a pas conscience de la mémoire de son corps matériel dans l'éther. Là, à ce moment-là, il a une valeur personnelle, c'est-à-dire qu'il a une valeur personnalisée, c'est-à-dire qu'il a une valeur réelle, c'est-à-dire qu'il a une valeur qui est totalement et absolument inaltérable. Il ne peut plus être altéré. Pourquoi il ne peut plus être altéré? Parce qu'il a perdu conscience totale de son être-té, autrement dit, il a perdu conscience totale de la division en lui, de la polarité en lui. N'ayant plus conscience de la polarité en lui, il est son être total. Il est total. Il a une identité totale. Il a une personnalité réelle. Il a mémoire dans l'éther de son corps éthérique. Et automatiquement, il n'a plus besoin de cet étrange sentiment humain qui bouleverse et qui suit l'homme comme un ombre depuis des millénaires. Sentiment qui a donné naissance à la philosophie. Sentiment qui a amené la philosophie à essayer de comprendre et à résoudre l'énigme de l'homme. L'énigme de l'homme ne peut pas être résolue par la philosophie, parce que déjà la philosophie fait partie de l'énigme. Et quand je dis que la philosophie fait partie de l'énigme, je dis que la psychologie de l'homme aussi fait partie de l'énigme de l'homme. L'homme n'a pas d'énigme. L'homme n'est pas énigmatique. Il n'est énigme ou énigmatique parce qu'il philosophise ou il psychologise son être-té. Autrement dit, il essaie de mesurer la valeur psychologique temporaire de son état mental et émotif pour se donner une sorte d'équilibre quelconque à l'intérieur de deux situations événementielles qui peuvent se loger dans son esprit. Mais situations qui sont totalement factices, c'est-à-dire qui sont toujours en fonction de son émotivité et de son mental, qui ne sont jamais le produit d'une disconnexion, un peu comme il le vit quand il rêve le soir. Pourquoi l'homme, quand il se couche le soir, a accès à l'astral? Parce qu'il ne se sert plus de ses sens. Si on ne se sert plus de nos sens, la conscience continue. Alors, elle continue sur un autre plan, l'astral. Lorsque l'homme aura cessé... Pardon. Lorsque l'homme aura cessé de s'attacher à son être-té, il sera dans l'éther. C'est facile pour vous d'aller dans le sommeil. C'est facile pour vous d'aller dans le rêve. Tous les hommes peuvent comprendre le rêve. Il n'y a rien d'énigmatique dans le rêve. Tous les hommes rêvent. Même s'ils n'ont pas mémoire. C'est la même chose pour l'éthérique. Mais la condition est différente. Pour que l'homme aille dans l'astral, dans le rêve, il faut qu'il ne se serve pas de ses sens. Et pour que l'homme aille dans l'éther, il faut qu'il ne se serve pas de l'étrange sentiment psychologique induit par l'émotion et l'intellect que nous appelons philosophiquement l'être-té. Et si nous partons de ce point et que nous regardons l'évolution temporaire transitoire d'une micro-société, il faut que l'homme dans la micro-société soit suffisamment dans son intelligence, autrement dit déjà conscient un peu de la perte étrange du sentiment d'être-té, pour commencer à construire la société micro. Et lorsqu'il aura complètement perdu son être-té, il sera dans la société anonyme. Autrement dit, la distance entre la micro-société et la société anonyme, c'est la distance entre la perte du sentiment d'être-té de l'homme dans un temps et sa résolution totale dans l'autre. C'est pourquoi la micro-société est si importante. Non pas en fonction des avoirs matériels, non pas en fonction de la constitution matérielle, non pas en fonction de son inventaire matériel, de sa comptabilité, de sa fiscalité, mais en fonction de ce que elle forcera l'homme d'intelligence sur le plan matériel. Alors, selon ce qu'elle forcera dans l'homme d'intelligence sur le plan matériel, cette micro-société sera sur le plan matériel de plus en plus créative, de plus en plus bénéfique pour l'homme. Mais ce ne sera qu'un nombre, parce qu'elle doit devenir éventuellement totalement anonyme, c'est-à-dire que l'homme doit passer un jour à un plan, à une dimensionnalité qui n'est plus planétaire. Mais les hommes ont d'étranges habitudes. Ils en ont cinq étranges habitudes, les hommes. Ils ont l'habitude de penser, ils ont l'habitude de penser que leurs pensées sont plus ou moins bonnes, ils ont l'habitude de penser que s'ils pensent des pensées bonnes, ils avancent, ils ont l'habitude de penser que s'ils pensent des pensées mauvaises, ils reculent ou qu'ils sont statiques, et ils ont l'habitude de juger de la valeur de leurs pensées en fonction de leur stage évolutif, de leur stade, du point de leur évolution. C'est une fausseté, c'est fait partie de l'étrangeté de leur être-té. C'est absolument sans cul ni tête, c'est absolument sans valeur réel, c'est absolument sans aucune réalité bienfaisante ou malfaisante que l'homme pense quoi que ce soit. C'est absolument sans aucune conséquence que l'homme pense quoi que ce soit. Ce qui est conséquentiel, c'est l'homme, c'est qu'il en arrive à réaliser que les pensées qu'il pense, qu'elles soient de n'importe quel ordre ou de n'importe quelle coloration, qu'elles soient de n'importe quelle dictée d'origine, dictée émotive ou non, qu'il puisse, lui, dans son esprit, dépasser les dualités de ces manifestations étranges de son être-té pour pouvoir accepter, sur le plan de son esprit, l'étrangeté dualistique de sa manifestation émotive et mentale dans la matière. C'est pour ça que je donnais dans l'instruction, dans les séminaires, l'étrange fait que l'homme doit un jour reconnaître que tout ce qu'il fait, c'est correct. Mais d'un autre côté, l'homme est un être qui est tellement étrange que même si on lui explique un principe universel tel que celui-ci, il ne peut pas le comprendre tant qu'il n'a pas perdu de son être-té. Et automatiquement, il s'attache à ce principe que tout ce qu'il fait est correct, et automatiquement, il commence à casser les pieds de tout le monde, et il dit à tout le monde, « Moi, je suis centrique. » Autrement dit, l'homme se sert d'un alibi psychologique traité à la sauce de ses émotions et de son intellect, sous l'autorité de celui qui l'instruit, pour se donner en retour l'autorité contre les autres qui sont en instruction, afin d'avoir l'impression d'être conscient ou d'être centrique ou d'être quoi que ce soit. Ça va loin, l'être-té de l'homme. Et c'est justement parce que l'homme a de l'être-té qu'il demeure pendant très très longtemps, pendant de très nombreuses années, enraciné dans des aspects de cet être-té qui n'ont aucune conversion possible en intelligence réelle, mais qui ne sont que des facettes d'expérience forcées sur lui à cause de son tempérament et son caractère par des énergies qu'il ne peut pas parfaitement comprendre, parfaitement réaliser, parce qu'il est trop dans son être-té pour les comprendre d'une façon parfaite et de devenir instantanément un homme parfait. Et ne pouvant pas devenir instantanément un homme parfait, il se leurre dans l'impression qu'il a déjà atteint un certain niveau de compréhension, un certain niveau même osé de perfection, qu'il manifeste psychologiquement ou philosophiquement dans les termes que moi je suis centrique. Un tel homme ne peut pas construire une micro-société. Parce que pour qu'un homme construise une micro-société, il faut qu'il soit totalement d'accord avec les autres hommes qui construisent la micro-société. D'accord non pas dans l'intelligence de leur esprit, mais dans l'esprit de leur intelligence. Il y a des gens parmi vous avec lesquels je travaille d'une façon suffisamment rapprochée pour commencer le travail de fond de cette micro-société. Bernard Labelle en est un exemple. Monsieur Aubu. Ils viennent vers moi, ils me disent, on a pensé telle chose, on a pensé telle chose, on a pensé telle chose. Mais moi, je ne dis pas, je ne leur dis pas, non, non, c'est pas ça. C'est pas correct, ce que vous avez pensé. Je dois respecter l'esprit de leur intelligence, même si je sais que l'intelligence de leur esprit n'est pas au point de l'intelligence dont ils conviendront demain lorsque cet aspect sera reformé pour l'activité quelconque. Et c'est comme ça que les hommes, entre eux, dans la micro-société, devront travailler. Parce que tous les hommes amèneront de l'eau au moulin. Parce que tous les hommes ont accès à un certain niveau d'intelligence à travers une certaine forme. Cette forme servant chez eux à canaliser une certaine énergie. Et c'est lorsque ce sera le temps de manifester cette énergie que l'ajustement se fera et que tous les hommes comprendront parfaitement pourquoi cette forme et ce à quoi elle menait cette forme, quelle en était la raison, cette forme. Mais si les hommes ne sont pas capables de reconnaître l'esprit de l'intelligence de l'autre et s'occupent simplement de l'intelligence de l'esprit de l'autre, automatiquement le but de ce travail sera fourvoyé et automatiquement il y aura manque de respect entre eux. Et s'il y a manque de respect, comme je l'expliquais dans l'autre conférence, les hommes ne peuvent pas créer une micro-société. Et ceci fait partie du fait que les hommes ont trop en eux d'être-té. Et parce qu'ils ont en eux trop d'être-té, ils ne sont pas capables de réaliser que d'autres hommes qui ont aussi de l'être-té ont droit à être entendus selon la proportionnalité de leur être-té avec son absence. Autrement dit, ils ont droit d'être entendus selon la différence entre l'intelligence de leur esprit et l'esprit de leur intelligence. Demain, peu d'hommes sur la Terre aujourd'hui sont dans l'esprit de leur intelligence. Beaucoup d'hommes sont dans l'intelligence de leur esprit. Un jour, avec le temps, les hommes seront dans l'esprit de leur intelligence. Ils seront à ce moment-là, ils auront la mémoire de leur corps matériel sur le plan éthérique. Autrement dit, ils seront dans le secret de l'évolution. D'ici à ce temps-là, les hommes doivent construire les bases psychologiques de cette évolution possible en fonction du micro-social, sur un plan matériel, mais toujours en répondant aux lois exactes et exigées par l'intelligence, le respect de leur esprit, pour qu'ils puissent se servir de l'intelligence de leur esprit pendant un certain nombre d'années pour pouvoir commencer à formuler sur le plan matériel une dimensionnalité d'expérience qui, une fois rendue dans l'éthérique, ne sera plus applicable à eux, mais sera continuera à être applicable à d'autres. Alors, lorsque les hommes seront dans l'éther, ils feront autre chose. Ceux qui viendront après lui, les enfants de la sixième race racine, continueront à bénéficier et à manifester et à étendre sur le plan matériel la micro-société, parce que la micro-société, demain, deviendra une macro-société, et éventuellement, elle se divisera en nations. Mais, il y aura beaucoup d'hommes qui déjà seront dans les éthers, et qui dirigeront de l'éther cette micro-société. Alors, l'homme doit commencer sur le terrain des vaches pour changer de plan. Lorsqu'il aura changé de plan, le terrain des vaches ne disparaîtra pas, il continuera ce terrain. L'activité de la micro-société continuera et permettra l'évolution de la société planétaire humaine à l'échelle mondiale. C'est comme ceci que se fera l'évolution de la sixième race et sa confrontation, ses collusions ou son interaction avec la cinquième race racine. L'homme doit réinventer l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit réinventer la vie matérielle, avant de pouvoir créer une vie nouvelle. Et quand je dis réinventer la vie matérielle, je dis réinventer les conditions de vie d'évolution sur le plan matériel avant de pouvoir créer dans l'autre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre l'invention et la création. L'invention sert à détruire la mémoire quand un homme est conscient. Quand un homme est inconscient, l'invention sert à perpétuer la mémoire. L'invention est le produit de la perpétuation, de la perpétualité de la mémoire sur la Terre. Mais lorsqu'un homme est conscient et qu'il invente, il tue la mémoire. Pourquoi? Parce qu'il réinvente d'une façon nouvelle, mais il ne crée pas encore. Et en réinventant d'une façon nouvelle, il est obligé de tuer la mémoire parce que la forme de son invention va en contravention avec les lois planétaires de l'invention qui est fondée sur la mémoire de l'humanité. Exemple. Dans une société inconsciente, les hommes ont leurs activités, ils ont leur compagnie, ils ont leur travail, ils ont leur ci, leur ça, ils ont leur structure, ils ont leur système. Et leurs structures sont dictées depuis des siècles par l'expérience humaine. Mais lorsque l'homme commence à fonctionner et à créer une micro-société, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse ses structures. Autrement dit, là, pendant des siècles, où là, maintenant, où la conf, où le, la, la... Pierre, je voudrais te parler de ton appartement en Europe, après. L'homme, au lieu de se servir de la mémoire telle qu'il s'en servait avant, autrement dit, d'en être esclave, la transforme. Il lui donne une condition d'expression nouvelle, basée sur quoi? Sur la confiance réelle. À cause de quoi? À cause de sa capacité de respecter l'esprit de l'autre. Alors, automatiquement, petit à petit, il tue la forme de l'ancienne mémoire et il invente une nouvelle forme temporaire pour pouvoir, lui, sur le plan mental et sur le plan émotionnel, s'exercer à se sortir de l'influence des formes anciennes sur sa psychologie qui crée son étrangeté, autrement dit, son sentiment d'être-té. C'est la fonction du micro-social. Je vous donne un exemple, simplement un exemple. Supposons que je prends un homme dans le micro-social et je dis, Jean-Paul, j'ai besoin de 5 000 $, passe-moi 5 000 $, vite, vite, vite, j'ai besoin, vite. Alors, si Jean-Paul, il est vite, il me prête 5 000 $, moi, je m'en vais faire mes affaires. J'ai pas le temps de t'expliquer, papa. Il signe un billet. Je m'en vais. Je ne peux pas perdre d'énergie. J'ai besoin du 5 000 $ tout de suite, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans ce mouvement? Il détruit, il crée, il invente une nouvelle forme, mais il tue la mémoire de l'ancienne. Parce que dans l'ancienne, il m'aurait dit, « Mais écoute, attends un peu, on va prendre un petit coke, on va en parler. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Explique-moi ça. Ça a-tu du bon sens? » Vous comprenez? Et en tuant cette forme ancienne et en réinventant temporairement une forme nouvelle, il crée le micro-social. Et ceci fait quoi? Ça permet qu'à l'intérieur de toute l'énergie générée dans cette invention nouvelle de la forme, à l'intérieur du micro-social pendant une génération jusqu'à temps que la fusion se fasse, il se génère une énergie et c'est de cette énergie nouvelle qui vient d'une forme inventée à cause de l'intelligence de son esprit qu'il peut en arriver éventuellement à être dans l'esprit de son intelligence. Et à ce moment-là, il passe au stade du pouvoir créatif. Autrement dit, il a transmuté les principes subtils, il a créé la mémoire du corps matériel dans l'éther et il passe à un nouveau stade d'évolution. C'est très difficile pour nous, les hommes, de comprendre, de réaliser les lois de l'invention de la forme. Parce que nous, quand nous sommes inconscients, nous n'inventons pas de formes nouvelles. Nous inventons des formes qui sont déjà dans l'astral. Lorsque l'homme se conscientise, il est obligé d'inventer des formes nouvelles parce qu'il ne pense plus comme il pensait avant. Et en inventant des formes nouvelles, il n'a pas encore dépassé le stage de l'homme planétaire, c'est-à-dire qu'il a encore de l'être-té. Mais comme il invente des formes nouvelles, non pas en fonction de son intellect et de son émotion, mais en fonction du pouvoir vibratoire de l'énergie sur son intellect et sur son émotion, il force la transmutation de son émotion et de son intellect. Exemple, Croteau. Croteau, de ce temps-ci, a d'énormes maux de tête. Si dans son esprit, si en fonction de l'intelligence de son esprit, il est capable de réaliser que ses maux de tête sont le produit de l'énergie sur son mental, il invente une nouvelle forme pour interpréter son malaise, de sorte que, au lieu de souffrir dans son être-té d'une forme ancienne qui l'amènerait automatiquement vers le médical, il est capable de subir le choc de l'énergie sur son mental, de savoir qu'il n'est pas malade, mais qu'il subit une transmutation du mental suffisamment puissante, forte, pour être dans son matériel extrêmement mal à l'aise. Mais à ce moment-là, il élimine l'intervention de la forme ancienne dans l'expérience, de sorte qu'il ne met pas l'émotion ancienne et l'intellect ancien pour comprendre ce qui se passe. Il est capable de dire, bon, il n'y a rien là, même si ça fait très mal. Ceci transmute l'émotionnel et le mental et crée la mémoire du corps matériel sur l'autre plan. C'est très difficile pour l'homme qui est malade, parce que la maladie, elle est très près de l'homme. Elle est très près de son être-té. S'il y a une chose qui affecte l'être-té de l'homme, s'il y a une chose qui affecte l'homme profondément, c'est la maladie. Pourquoi? Parce que la maladie, elle est quoi? Elle est l'avenue potentielle de la mort. Où elle va mener la maladie? On ne sait jamais. Si le corps commence à dépérir, qu'est-ce qui se produit dans l'homme? Il interprète, selon les anciennes formes, son expérience. Alors, automatiquement, il empêche la connexion entre l'énergie et son mental, qui altérerait son émotionnel, qui altérerait le vital et qui, éventuellement, altérerait le physique. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable de se guérir lui-même, parce qu'il n'est pas suffisamment en dehors de son être-té pour se couper de l'ancienne forme qui aurait interprété naturellement son mal physique. Donc, il va à une avenue parallèle, espérant que le médical peut l'aider. Et effectivement, le médical peut peut-être l'aider, mais tout d'un coup, le médical ne peut pas l'aider parce que le médical ne peut pas faire un diagnostic qui puisse découvrir des causes physiques à son malaise. Tout d'un coup, il n'a pas dans le cerveau tel problème. Tout d'un coup, le médical est obligé de dire, « On voit pas pourquoi, qu'est-ce qui va pas? » Et il y a beaucoup de gens qui vont dans le médical et qui s'aperçoivent que, après examen, on ne voit pas. Moi, c'est comme le médecin qui me dit, « Comment se fait-il que votre cœur bat si bas? » Ah, moi, je leur réponds, c'est parce qu'il n'est pas excité. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Je ne veux pas leur conter ma vie. Mais, d'un autre côté, parce que je peux inventer une forme nouvelle pour expliquer la situation, je ne panique pas. Alors, le phénomène d'être-té dans l'homme doit être compris, parce que le phénomène d'être-té dans l'homme, c'est l'ancre, c'est la colonne à laquelle la personnalité inconsciente est rattachée et qui empêche l'homme de construire dans l'éthérique la mémoire de son corps matériel. Il faut que l'homme, au niveau de son mental et au niveau de son émotion, puisse se dissocier du mal quand il est dans la vieille personnalité pour construire le corps matériel dans l'éther. Et ceci est une notion nouvelle pour l'homme, parce que l'homme n'a jamais compris les lois de l'éther. Et comme l'homme n'a jamais compris les lois de l'éther, automatiquement, il a toujours associé le mal physique avec son être-té. Lorsqu'en fait, souvent, le mal physique est l'expression de la descente de l'énergie dans ses plans subtils pour créer, pour imprimer dans l'éther la mémoire du corps matériel. Je mets en garde tout le monde dans ce que je dis. Parce que la décision d'aller vers le médical ou de ne pas aller vers le médical, elle est toujours avec vous, elle n'est pas avec moi. Que j'entende jamais quelqu'un dire un jour, Bernard dit qu'il ne faut pas aller vers le médical. Je n'ai jamais dit ceci. J'explique les lois de l'éthérique. Lorsque les hommes seront dans l'intelligence de leur propre esprit et qu'ils seront eux-mêmes capables de se fier à eux-mêmes, à ce moment-là, automatiquement, ils feront le travail, ils feront l'évolution physique de la douleur par eux-mêmes. D'ici à ce temps-là, les hommes doivent aller vers le médical. Sinon, ce serait se prendre au sérieux et ce serait se prendre pour d'autres. Et un homme ne peut pas se permettre de se prendre pour d'autres. Parce que je vous assure que les gens qui croient pouvoir se guérir par eux-mêmes peuvent être ou peuvent se situer dans une très, très étrange illusion d'être-té. Cette illusion, elle est spirituelle. J'ai toujours dit que les forces de la lumière sont des chiens et ils ne donnent pas à l'homme rien pour rien. L'homme doit payer pour tout ce qu'il a. Et le mal fait partie de ce paiement. À tous les niveaux. Nous sommes habitués, sans que nous en rendions compte, à de la nostalgie. Qu'est-ce que c'est ma définition de la nostalgie? La nostalgie, c'est un état d'esprit chez nous, les hommes, qui est relié à notre être-té et qui nous donne l'impression de ne plus être comme avant. C'est un sentiment intérieur qui nous crée une sorte de tristesse parce que nous ne sommes plus comme avant ou parce que nous n'avons pas accès à ce que nous avons eu avant, parce que nous ne vivons plus comme nous avons vécu avant. La nostalgie. Elle est très importante, la nostalgie, dans l'évolution de la conscience humaine et dans la création dans l'éther de la mémoire du corps matériel. Parce que la nostalgie, elle est équivalente. Elle est la manifestation psychologique, émotive et mentale du déchirement entre l'homme réel et l'homme inconscient. Et l'homme qui se conscientise, l'homme qui va vers, l'homme qui sort de la vie matérielle et qui n'a pas accès à la mort matérielle et qui doit aller entre les deux, doit suivre une ligne extrêmement délicate. Et cette ligne qui est entre les deux parties du V, elle est tellement délicate qu'aussitôt que l'homme a l'impression de son être-té et que cette impression est négative, il sent une nostalgie. Et la nostalgie, c'est la mémoire de la mort. La nostalgie, c'est la réverbération dans l'homme de la mort. Et elle se manifeste de toutes les façons afin de le rattacher à la vie matérielle. La nostalgie, c'est de la connivence entre la mort et la vie. Vous savez, l'homme comprendra un jour qu'il n'y a pas de différence entre la mort et la vie. La seule différence entre la mort et la vie, c'est que dans la vie, l'homme a un corps matériel et dans la mort, l'homme n'a pas de corps matériel. C'est la seule différence entre les deux. Et lorsque l'homme est dans la vie matérielle et qu'il doit sentir ou qu'on lui fait sentir un peu de la mort, il est nostalgique. Autrement dit, la nostalgie, c'est un peu de la mort dans la vie. Et un homme qui se conscientise ne doit plus avoir de mort dans la vie. Mais pour que l'homme n'ait plus de mort dans la vie, autrement dit, pour que l'homme ne subisse plus, ne sente plus, ne soit jamais affecté nostalgiquement, il faut qu'il soit dans l'intelligence de son esprit de plus en plus et qu'un jour il en arrive à être dans l'esprit de son intelligence. Parce que la nostalgie détruit dans l'homme les fibres. Les petites fibres au début qui lui permettent de vivre la connexion entre l'énergie et ses corps subtils. Et dans le phénomène de la maladie physique, la nostalgie, elle est très présente. Et elle est tellement présente que si la maladie, elle est moindrement grave, si elle touche au cardiaque, si elle touche au pulmonaire, si elle touche à des aspects vitaux ou extrêmement vitaux de l'expérience matérielle, l'homme devient automatiquement nostalgique, c'est-à-dire qu'il commence à penser. Et aussitôt que l'homme commence à penser que, il commence à être cela. D'une façon très subliminale. Parce que la maladie, dans beaucoup de cas, est psychosomatique. Et je le dirais même que la maladie, à 100% des cas, elle est psychosomatique parce que, à 100% des cas, l'homme, dans son esprit, peut changer et transmuter son corps matériel et neutraliser la maladie. Alors, à 100% parlé, la maladie est psychosomatique. Autrement dit, la maladie, tout ce qui est mental, émotionnel, vital et physique, peut être amené sous le contrôle de l'esprit. Mais il faut que l'homme soit dans l'état. Dans les cas extérieurs à ceci, la maladie est proportionnellement psychosomatique. Autrement dit, il y a beaucoup de psychisme dans le malade. Et c'est là que se crée chez l'homme la fameuse nostalgie. Parce qu'il n'a pas suffisance d'esprit pour neutraliser le nostalgique, autrement dit, pour éliminer en lui l'esprit de la mort qui gruge au corps matériel pour rendre le corps matériel à la mort éventuellement. Alors l'homme doit se méfier de son être-té, parce que son être-té est l'étrange connivence entre le monde de la vie matérielle et le monde de la mort. Et c'est justement à cause de cette étrange connivence entre le monde matériel et le monde de la mort qu'il existe dans l'homme l'angst, l'anxiété existentialiste chez l'homme. Et l'anxiété existentialiste chez l'homme, elle est la manifestation en lui d'une façon très très opaque, très souvent, de l'impossibilité de réduire la qualité de sa vie vis-à-vis la nature de la mort, ou de comprendre l'aspect de la mort vis-à-vis la nature de sa vie. L'homme n'est pas capable de voir l'interrelation de ces deux plans. Donc, il les subit pendant toute son existence et il devient éventuellement philosophique et il meurt de chagrin. Rares sont les hommes qui meurent avec joie. Vous en connaissez, vous? Le plus qu'un homme peut connaître à la mort, c'est de mourir avec tranquillité. Mais s'il meurt avec tranquillité, autrement dit, s'il a une mort douce, s'il a une mort paisible, c'est parce qu'on a neutralisé en lui l'anxiété. Mais c'est parce que déjà, au niveau de sa mémoire, il y a des vibrations karmiques qui lui permettent de vivre une vie paisible dans la mort. Et tous les hommes sont nostalgiques, parce que l'homme ne vit pas dans le présent de son esprit. Il vit dans le passé ou le futur de son intelligence, mais il ne vit pas dans le présent de son esprit. Donc, il a toujours des problèmes psychologiques en lui, parce que les problèmes psychologiques de l'homme viennent d'où? Ils sont le produit de quoi? Ils sont le produit de l'intervention de la mort dans la vie. Parce que les problèmes de l'homme ne sont que des caricatures astrales de son être-té. Le problème, dans le fond, ça n'existe pas. Il prend présence. Il permet à l'homme de s'interroger sur la qualité de sa vie. Mais dans le fond, le problème n'existe, n'a aucune existence. C'est lorsque l'homme devient très, très conscient qu'il s'aperçoit que le problème est une structure totalement factice, imposée dans sa vie, soit par le monde de la mort ou par d'autres conditions ou en vertu d'autres conditions d'inconscience faisant partie de son expérience. Un homme ne devrait jamais avoir de problème dans la vie. Mais tous les hommes ont des problèmes dans la vie. Pourquoi? Parce que les hommes sont liés, sont prisonniers de leur être-té. Et l'être-té de l'homme est beaucoup plus étrange à son esprit qu'elle peut l'être à son intelligence. Parce que l'esprit est libre de l'être-té humaine. Tandis que l'intelligence est liée à l'être-té humaine. C'est avec son intelligence que l'homme tisse son être-té. Mais avec son esprit, il ne s'occupe jamais de son être-té. Il s'occupe de quoi alors? Il s'occupe de rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans la vie. Et si l'homme est dans la vie, il s'occupe de rien. Et s'il a le double, autrement dit, s'il a les mémoires du corps physique, il s'occupe encore moins de rien. Parce qu'il n'y a rien à s'occuper dans la vie. Parce que tout dans la vie se fait par lui-même. Mais si l'homme ne réalise pas que tout dans la vie se fait par lui-même, il est obligé de s'occuper de la vie, et en s'occupant de la vie, il s'occupe de son être-té, et en s'occupant de son être-té, il se crée des problèmes, et en se créant des problèmes, il s'enfonce dans son être-té, et éventuellement, son être-té devient quoi? Devient un sable mouvant dont il ne peut plus s'extirper. C'est la condition de l'homme. Et le fond de ceci, c'est le angst, l'anxiété existentialiste de l'homme. Comment voulez-vous qu'avec ceci, l'homme puisse construire une société anonyme? Comment voulez-vous qu'avec ceci, l'homme puisse commencer à inventer une forme nouvelle, qui est la société, la micro-société? Impossible. Mais vient le temps où l'homme commence à prendre conscience de ceci, et vient le temps que l'homme commence à réaliser ceci, et vient le temps que l'homme commence à voir qu'il en est ainsi. Et lorsque l'homme commence à voir qu'il en est ainsi, les problèmes commencent à se dissoudre, à se disparaître de sa vie. Il commence à être dans son intelligence, et un jour il sera dans son esprit, et lorsqu'il sera dans son esprit, il aura accès à l'éther. Mais la nostalgie, elle est très vieille dans l'humanité. Elle est très vieille dans l'humanité parce que la nostalgie, c'est le seul lien entre la vie et la mort. C'est le seul. Parce que la nostalgie, c'est cette capacité à la mémoire humaine subliminale, inconsciente, d'interpréter l'activité émotive et mentale de l'homme conscient pour lui donner une mesure de son être-té. C'est la nostalgie qui donne à l'homme la mesure de son être-té. Et c'est par la nostalgie que la mort entre dans la vie de l'homme matériel et crée cet étrange sentiment d'être. L'homme n'a pas besoin d'être, parce qu'aussitôt que l'homme a besoin d'être, il est obligé de vouloir s'identifier avec une valeur de son être-té pour que cette valeur soit suffisante, c'est-à-dire suffisamment créative, suffisamment positive, de plus en plus ou de moins en moins négative, pour qu'il puisse se considérer un succès dans le social. C'est pourquoi tous les hommes cherchent à avoir du succès dans la vie. Et avoir du succès dans la vie, c'est la manigance psychologique, psychique, vibratoire, mentale, émotionnelle, du monde de la mort sur le monde de la vie. Un homme n'a pas besoin d'avoir de succès dans la vie. Il a besoin d'être créatif dans la vie. Si un homme est créatif dans la vie, il n'a plus besoin de succès. Mais si un homme a du succès, il ne peut pas être créatif. Parce que le succès est nostalgique. Parce que le succès, c'est cette appartenance au monde de la mort qui couvre un peu sa vie pour lui donner l'impression d'avoir bien vécu sa vie. Parce que l'homme compare toujours sa vie avec la vie de l'autre homme. Et comme l'homme collectivement interprète le contour de l'activité humaine collectif, en fonction de lui-même, il peut se mesurer. Et tous les hommes veulent se mesurer. Et c'est parce que les hommes veulent se mesurer qu'ils ont le besoin de succès, parce que le succès, c'est la mesure de la nostalgie dans l'être-té de l'homme. C'est la mesure du pouvoir de la mort sur la vie de l'homme, mais à l'envers. C'est un masque qui cache la face de la mort et qui donne l'impression de la vie. Mais il y a toujours de la mort dans le succès. Et si vous regardez les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie, les stars, les gens, les millionnaires, les gens, vous verrez toujours qu'il y a un peu, dans le fond de leur vie, de l'amertume, de la nostalgie. Il y a toujours quelque chose. Et s'ils ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de retourner au monde de la mort, afin de bien comprendre leur nostalgie. Et par quel moyen? Par la drogue.